la dorée à la halle aux poissons. Jour de fête et dimanche, quand on la sticotait, les deux poings sur la hanche, elle se disputait. Très jolie, peu polie, possédant un grand magot, tant pis gueule, fort en gueule, telle était ma lamango. Voilà dans les airs, et plus tard elle affronte les mers et les déserts. Au Malabar captive, la croyant veuve, hélas, on veut la brûler vive, c'est la mode là-bas. Folle et grave, elle le brave, ballon, tempête et fagot, le tonnerre n'eût pu faire en reculer Malamango. Elle a voyagé, mais c'est surtout en Turquie qu'elle eut un vrai succès. Malgré ses 500 femmes, le sultan, certain soir, brûlant le mille flammes, lui jeta le mouchoir. Très jolie, me polie, pour ce temps de gros magot, pompé gueule, fort en gueule, te l'été, belle mon goût. Très jolie, me polie, pour ce temps de gros magot, pompé gueule, fort en gueule, te l'été, madame mon goût. Thank you. tellement je m'éclairerai, mais de quoi je mourir de chagrin, quand peut-être une autre conquête peut me venger de son hymen. Ce billet parlant à mon âme, d'un style qui n'est pas commun, pour trahir une noble dame exhale. Certainement je m'éclairerai, et certes je n'ai pas changé, certainement je la regrette, mais une autre m'a protégé. Cela prouve qu'elle est puissante, or sans beauté pas de pouvoir. Conclusion, elle est charmante, or que je brûle de la voir. Certainement, je m'éclairerai, mais elle se marie, hélas. Faut-il qu'un scrupule m'arrête quand elle même n'en a pas? Et puis, l'inconnue peut-être, ou pour nous un charme divin. Et l'inconnue pour la connaître, au rendez-vous, j'irai demain, au rendez-vous. Au rendez-vous, j'irai demain. Mais sans renoncer à Clairette, à sa conquête qui m'appelait. Et nous verrons lorsque Clairette sera Madame Bonbonnet. Oui, nous verrons lorsque Clairette sera Madame. Pour être fort, on sera fort, et ce moyen que nous cherchons, en le cherchant tous deux ensemble, peut-être nous le trouverons. Pour être fort, on sera fort, et ce moyen. Nous cherchons, peut-être nous le trouverons. D'abord, je puis tomber malade. Vous avez l'air de vous porter si bien. Certes, c'est un mauvais moyen. Une inutile reculade. Non, non. Madame Angou n'aurait pas trouvé ça. Madame Angou n'aurait pas trouvé ça. Voici peut-être quelque chose. Si j'assommais votre futur époux. L'assommer? Inconduites-vous de ce moyen que je propose. Non, non, non, ce n'est pas cela. Madame Angou n'aurait pas trouvé ça. Madame Angou n'aurait pas trouvé ça. Si vous disiez à Pomponnet, renoncez à ma main vous-même, ou bien avec celui que j'aime, je vous me tromperais. Ça se fait, mais ça ne se dit pas. Hélas, hélas, nous ne trouverons pas. Où serez-vous? Laissez-moi faire. Si rien ne vient rompre cette union, au moment où monsieur le maire nous dira la phrase ordinaire, au lieu de oui, je dirai non. Vous direz non? Je dirai non. Vous direz non. Je dirai non. Tant de charme et d'audace. Il faut que je vous embrasse. Non, monsieur, daignez songer à mon bouquet d'oranger. À ce bouquet, lorsque j'y songe, c'est pour en faire un doux mensonge. Clairette, un baiser de vous. Thank you. Jamais rien n'égalera cette heure-là. Jamais rien n'égalera. Oh, oh, oh.

étrangers qui sont ici. Du directeur de Barras, en moi, voyez une amie. Et nos conjurés, les voici. Ni l'un ni l'autre. De la mer en bois. Partout, c'est une pas grand chose, c'est une pas grand chose, c'est une pas grand chose. beaucoup. Ne prête pas grand chose, ne prête pas grand chose, ne prête pas grand chose, mais une gueule de tout. Ah, c'en est trop, mes compliments, ma chère. Et la Rivaudière. La Rivaudière. La Rivaudière. La colère m'exaspère, tremblez puisque je sais tout. Patience, ma vengeance va vous attendre partout. Ta vengeance, ton silence vaudrait mieux à mon avis. Ta foi d'homme, je t'assomme au premier mot que tu dis. Moi j'espère, on espère, dans les bras l'emportement. Où je pense, ton silence, pour aider l'emportement. La colère m'exaspère, dans les bras l'emportement. Où je pense, ton silence, pour aider l'emportement. J'espère qu'on va se terminer. Je vous accuse du complot dont cette nuit je connaissance. Nouvelle dame de la halle, je provise une fête et c'est moi qui régale. Attendez, mes amis. Voilà de ses amis. Que vois-je? Vous pleurez, mamselle. Se répondait l'infidèle, si près de vous, il vous éteindra pas. Bravo, que ce joyeux bal soit celui de nos épousants.